Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullahu teala dit dans son livre Al-Usul al-Sitta, le troisième principe, l'unité des musulmans ne pourra être parfaite que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Allah a clairement et amplement insisté sur ce fondement par différentes démonstrations dans les textes et à travers ses décrets. Puis, beaucoup de ceux qui prétendent détenir le savoir oublièrent ce fondement. Comment donc pourrait-il le mettre en pratique? Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala de dire en commentaire: nous avons déjà mentionné les enseignements divins contenus dans ce verset. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. En vérité, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et dans ce verset et dans cet autre verset, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. En vérité, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Non, et dans les paroles du Très-Haut, le début de la traduction du verset, elle n'est pas présente dans la nouvelle édition, apparemment donc elle est présente dans l'ancienne. Non, dans l'ancienne non plus. Non. Donc il y a une petite différence entre le verset et la traduction de son sens. Dans la traduction, ils ont mis que la dernière partie. Non. Et dans les paroles du Très-Haut, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il a établi pour vous ce qu'il avait prescrit à Nuh, ce que nous te révélons, ainsi que ce que nous avions prescrit à Ibrahim, à Moussa et à Issa. Acquittez-vous du culte et n'en faites pas un sujet de division. Naam, acquittez-vous du culte, ou on peut dire également, établissez la religion, pour que le terme donc il soit plus fort et peut-être plus en adéquation avec le terme aqimu. Aqimu din. Établissez la religion. En plus de s'acquitter du culte, établir naam, la religion, le culte. De ces preuves scripturaires, nous avons déduit qu'Allah nous a ordonné d'adorer une seule divinité, Allah, unique et sans associé, et d'être une communauté unique. La religion repose donc sur deux principes fondamentaux. Il n'y a qu'une seule divinité, celui qui est adoré selon diverses formes d'adoration, c'est-à-dire Allah seul. Deux, la communauté musulmane doit être unique et ne pas se diviser dans les affaires religieuses. L'auteur dit à ce sujet: l'unité des musulmans ne pourra être parfaite que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin, qu'il s'agisse d'un homme pieux ou d'un pécheur, qu'il soit obéissant ou désobéissant à Allah. Obéir à celui auquel Allah a confié la charge de diriger les musulmans est une obligation religieuse sans laquelle l'unité des musulmans ne pourra jamais être parfaite. Pour preuve de cette obligation, le verset suivant: Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. En ce qui concerne les traditions à ce sujet, elles sont nombreuses. Parmi elles, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'obéir à celui qui exerce le pouvoir et de ne pas s'insurger contre lui. Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, affirme: Nous avons prêté serment au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir, dans ceux qui nous plaît, comme dans ceux qui nous répugnent, dans l'adversité, comme dans l'aisance, malgré leurs privilèges, et de ne pas disputer le pouvoir, sauf si l'on constate chez eux une incroyance flagrante dont nous détenons une preuve venant d'Allah. Naam, ici, malgré leurs privilèges, dans le sens où même si cela est en notre défaveur, C'est-à-dire qu'il bénéficierait de privilèges qui sont ou qui impliquent des situations qui sont en notre défaveur. C'est dans ce sens-là, donc, qu'il faut comprendre ce passage du hadith rapporté par Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu. Parmi ces preuves tirées de la sunna, le hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, selon qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui voit chez celui qui détient l'autorité, l'émir, quelque chose qu'il réprouve, le supporte patiemment, car quiconque se sépare de la communauté, ne serait-ce que d'un pouce, puis meurt, il meurt comme on mourait avant l'islam, jahiliya. Parmi elles, ce hadith rapporté par Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, en faveur desquels vous invoquez Allah et qu'il l'invoque en votre faveur. Et les pires sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Les compagnons demandèrent, ô messager d'Allah, nous devons-nous pas les renverser par la force ? Non, par la force, littéralement par l'épée. Littéralement par l'épée. Non. Il répondit, non, tant qu'ils s'acquittent de la prière parmi vous. Et lorsque vous voyez chez ceux qui détiennent l'autorité quelque chose que vous n'aimez pas, réprouvez leur acte, mais ne vous soulevez pas contre eux. Non, ne vous soulevez pas contre eux et, plus littéralement, ne cessez pas de leur obéir. Non, ne cessez pas de leur obéir. Donc, encore plus que le fait de ne pas se soulever contre eux, tu ne dois pas cesser de leur obéir. Excusez-moi. Parmi elles, le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui affirme avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Quiconque se soulève contre ses dirigeants... » Non, quiconque se soulève contre ses dirigeants, ou plus précisément là encore, quiconque cesse d'obéir à ses dirigeants. « Rencontrera Allah le jour de la résurrection sans aucun argument. Et quiconque meurt sans être lié par un serment d'allégeance, meurt comme on mourait avant l'islam. Et d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Écoutez et obéissez, quand bien même l'autorité serait confiée à un esclave abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec. » Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche duquel Allah, azza wa jal, ordonne aux musulmans d'obéir aux dirigeants et de ne pas se révolter contre eux, sont donc nombreuses. Allah a clairement indiqué cette obligation à divers endroits. Nul besoin donc d'allonger le propos. Que celui qui a foi en Allah et au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, craigne Allah et ne se soulève pas contre ses dirigeants. Non, mais là aussi, il ne cesse pas d'obéir à ses dirigeants. Que ce soit par la bouche ou par l'action, qu'il se garde de leur disputer le pouvoir par la parole ou les actes, et le succès vient d'Allah seul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد L'auteur رحمه الله تعالى dans son livre الأصول الستة Les six fondements a abordé dans un premier temps comme nous l'avons vu précédemment le premier des fondements qui consiste de manière résumée à inciter à la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et à rejeter toute forme de polythéisme, shirk. Le deuxième se résume dans l'appel à l'union des musulmans et le rejet de la division. Et nous avions vu que ces deux premiers principes étaient liés. Étant donné que l'union et les situations et les états d'union sont des situations et des états durant lesquels les musulmans vont être accrochés à ce premier principe, à savoir la sincérité du culte et le fait de ne vouer le culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les situations de division sont des situations qui vont voir naître les appelle au polythéisme, l'inverse du monothéisme, l'inverse de la sincérité du culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. La division, elle est donc la source de beaucoup de maux. Le polythéisme, la désobéissance, les innovations, et ainsi de suite. Ces deux premiers principes étaient donc liés. Et on avait souligné l'habileté de l'auteur qui réside dans le fait qu'il ait fait suivre ce premier principe qui constitue la base fondamentale de la religion, à savoir l'appel à la sincérité du culte et le rejet du polythéisme. Il a fait suivre cela donc par ce qui va être la cause de la concrétisation de cela, et également ce qui va être la cause de la non-concrétisation de ce premier principe. Et il a fait suivre ces deux premiers principes par le troisième que nous venons d'entendre, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala dit: le troisième principe, l'unité des musulmans, ne pourra être parfaite que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Ça, c'est un premier point qui concerne ce troisième principe. Allah a clairement et amplement insisté sur ce fondement par différentes démonstrations dans les textes et à travers ses décrets. Et c'est là un second point contenu dans ce troisième principe. Puis beaucoup de ceux qui prétendent détenir le savoir oublièrent ce fondement. Comment donc pourraient-ils le mettre en pratique? Et c'est là donc le troisième et dernier point contenu dans ce troisième principe. On peut remarquer donc que ce principe-là, il est lié aux deux premiers. On a rappelé le lien qu'il y a entre les deux premiers, et que le second va être le moyen qui va permettre d'obtenir la concrétisation du premier. Et ce troisième, également, il fait partie des grands moyens qui permettent de concrétiser le second. Donc ces trois premiers principes, ces trois premiers fondements sont étroitement liés. Et dans le commentaire du Cheikh Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous avons pu trouver la confirmation de cela. C'est ainsi que dans un premier temps, il a rappelé deux principes fondamentaux qu'il avait déjà rappelés précédemment. Mais là, il les répète du fait de leur importance. Et ce, lorsqu'il dit, rahimahullah ta'ala, nous avons déjà mentionné les enseignements divins contenus dans ce verset. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. En vérité, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et également dans le verset qui suit, dans ce qu'a mentionné le Shir, tu retrouves les mêmes propos clôturés par « Wa ana rabbukum fattaqoon » et « Je suis votre Seigneur, craignez-moi donc ». Et également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wa alladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Il a établi pour vous ce qu'il avait prescrit à Nuh, ce que nous te révélons, ainsi que nous avions prescrit à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. De ces preuves scripturaires, nous avons déduit qu'Allah nous a ordonné d'adorer une seule divinité, Allah unique et sans associé, et d'être une communauté unique. La religion repose donc sur ces deux principes fondamentaux. Premièrement, il n'y a qu'une seule divinité, celui qui est adoré selon diverses formes d'adoration, c'est-à-dire Allah seul. Deuxièmement, la communauté musulmane doit être unique et ne pas se diviser dans les affaires religieuses. Et lorsque le Shir avait mentionné dans un premier temps cet enseignement-là, on avait eu l'occasion de le développer quelque peu. Je vous incite donc à revoir ce passage-là et à le réviser. Également dans ce commentaire, le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, a mentionné un certain nombre de preuves tirées des textes du Coran et de la Sunna qui appuient ce troisième principe. Donc après avoir rappelé les deux premiers principes dans ce que nous venons de lire et dans ce que nous avons entendu précédemment, le commentateur, rahimahullah, a insisté donc sur ce qui concerne ce troisième principe, à savoir que l'unité des musulmans ne pourra être parfaite que s'ils écoutent et obéissent à celui qui les dirige, même s'il s'agit d'un esclave abyssin. Et comme vous l'aurez compris, il fait référence ici au célèbre hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation, donne-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, je vous recommande expressément la crainte révérentielle d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin. Pourquoi il a donné cet exemple-là? Il a donné cet exemple-là pour montrer que même dans la situation la plus improbable qui soit, et la situation la plus critique qui soit, tu te dois d'obéir à celui qui te dirige. Et cette obéissance, bien sûr, concerne le dirigeant musulman, comme nous allons le voir dans le verset que va mentionner le Shir ici. Le Shir donc, il dit qu'il s'agisse d'un homme pieux ou d'un pécheur, qu'il soit obéissant ou désobéissant à Allah. Obéir à celui auquel Allah a confié la charge de diriger les musulmans est une obligation religieuse sans laquelle l'unité des musulmans ne pourra jamais être parfaite. Pour preuve de cette obligation, le verset suivant, Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Il a plusieurs points à soulever concernant ce verset. Premièrement, donc, l'obéissance qui est due à Allah, l'obéissance qui est due au messager. Et cette obéissance-là, elle est absolue. L'obéissance à Allah, le fait d'obéir également à son messager, étant donné que le fait d'obéir à son messager, ça revient à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, Man yut'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Pourquoi? Car en vérité, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait que transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Il ne parle pas sous l'emprise de la passion, mais c'est plutôt une révélation qui lui est faite. Et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Donc tu te rends compte ici que tu es redevable également de l'obéissance à ceux d'entre nous qui détiennent l'autorité. Cette obéissance, par contre, elle est restreinte à ceux qui relèvent du convenable. Dans le sens où l'obéissance n'est plus redevable si ce qui est ordonné par le dirigeant constitue une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance si ce n'est dans ce qui est convenable. Et tu peux également comprendre cela de ce verset, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété le verbe, l'impératif obéissez. Il a dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers, puis il a dit, et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Le fait qu'il n'ait pas répété le verbe obéissez, l'impératif obéissez, ça signifie qu'en vérité cette obéissance, elle est liée à l'obéissance à Allah et au messager. Et qu'à partir du moment où elle sort de l'obéissance à Allah et à son messager, alors il n'y a plus d'obéissance. Il n'y a plus d'obéissance dans cette chose-là en particulier. Et ça, c'est important de le mentionner, de le soulever. Car certaines personnes ont compris qu'à partir du moment où le dirigeant incite ou ordonne à une désobéissance à Allah, alors ça signifie qu'il n'y a plus du tout d'obéissance. Et par là même, donc, il est impératif, selon eux, bien sûr, de se rebeller contre le dirigeant en question. Et ce n'est bien sûr pas cela qui est voulu quand nous disons qu'il n'y a pas d'obéissance dans ce contexte-là. C'est-à-dire, si le dirigeant t'incite ou t'ordonne une désobéissance à Allah, tu ne lui obéis pas dans cette chose-là. Mais ça ne signifie pas que tu ne lui obéis plus du tout. Comme le disent les Khawarij. Également, on retient de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa ulil amri minkum » et ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ceux d'entre vous, ça signifie que les dirigeants qui sont visés, ce sont les dirigeants musulmans. Ça, c'est un premier point. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Minkum » d'entre vous qui détiennent l'autorité. Qui sont ceux qui détiennent l'autorité? Les ulama, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis sur la voie de la sunna, ils ont expliqué que ceux qui détiennent l'autorité, ce sont les ulama et les gouverneurs. Les ulama et les gouverneurs qui sont compris donc par ce passage, ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Donc ce verset est très important. Qu'on vient de le mémoriser, de le comprendre et de bien assimiler les différents enseignements qu'il contient. Le shir, rahimahullah ta'ala, de continuer dans son commentaire à citer certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que ces hadiths sont très nombreux. Et que ce qu'il va citer ici, ce n'est qu'un aperçu des nombreux hadiths que tu peux trouver qui vont dans ce sens et qui établissent ce principe-là, à savoir le principe de l'obéissance aux dirigeants musulmans. Et c'est un principe également que tu trouves dans la quasi-totalité des livres de croyance écrit par les ulama de la sunna, et ce, depuis les premières générations jusqu'à nos jours. Tu trouveras que la quasi-totalité de ces livres-là, qu'ils soient résumés ou qu'ils soient plus développés, tu trouveras que tous, ou quasiment tous, établissent cette chose-là, à savoir l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans. Donc le shir, il a dit parmi elles, il a dit parmi les traditions, ce sujet, ça a dit parmi les hadiths, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'obéir à celui qui exerce le pouvoir et de ne pas s'insurger contre lui. Ubada ibn Samit affirme, radiallahu anhu, nous avons prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir. Dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous répugne. Dans l'adversité comme dans l'aisance, malgré leurs privilèges, même si cela est en notre défaveur, et de ne pas leur disputer le pouvoir, sauf si l'on constate chez eux une incroyance flagrante dont nous détenons une preuve venant d'Allah. Rappelez-vous de ce hadith, car on va y revenir plus tard, Incha'Allah ta'ala. Le shir de continue en disant, parmi ces preuves tirées de la sunna, le hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui voit chez celui qui détient l'autorité, c'est-à-dire l'émir, quelque chose qu'il réprouve, le supporte patiemment. Car quiconque se sépare de la communauté, ne serait-ce que d'un pouce, puis meurt, il meurt comme on mourait avant l'islam. Donc ici, en plus de montrer l'interdiction de se rebeller et de s'insurger contre le gouverneur musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre la gravité du cas de celui qui le ferait et qui se séparerait de la communauté, ne serait-ce que d'un pouce, et qui mourrait dans cet état-là. Il mourrait donc dans l'état d'une personne qui est morte avant l'islam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Et pourquoi il a fait référence à l'époque de la grande ignorance, al-jahiliya? Il a fait référence à cela car les polythéistes d'avant l'islam, ils considéraient comme méritoire le fait de ne pas obéir aux dirigeants et de leur disputer le pouvoir. C'est pour ça que tu trouvais qu'ils étaient tout le temps en guerre. Étant donné qu'ils considéraient comme méritoire le fait de se rebeller contre eux, contre leurs gouverneurs, contre leurs dirigeants, et de leur disputer le pouvoir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il meurt comme on mourait avant l'islam », c'est-à-dire dans la jahiliya. Le shir Ahmed, rahimahullah ta'ala, de continuer en disant parmi elles, c'est-à-dire parmi ses traditions, parmi ses hadiths, ce hadith rapporté par Auf ibn Malik, radiyallahu anhu. Donc il rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, en faveur desquels vous invoquez Allah et qui l'invoquent en votre faveur. Et les pires sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. » Les compagnons demandèrent, « Ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les renverser par la force, ou plus littéralement par l'épée ?» Ce qui revient donc à la même chose. Il répondit non, tant qu'ils s'acquittent de la prière parmi vous. Et lorsque vous voyez chez ceux qui détiennent l'autorité quelque chose que vous n'aimez pas, réprouvez leurs actes, mais ne cessez pas de leur obéir. Mais ne cessez pas de leur obéir. Donc ce hadith, il est une réfutation claire des propos des Khawarij, qui disent qu'à partir du moment où le gouverneur incite à la désobéissance, alors à ce moment-là, on se doit de ne plus lui obéir de manière absolue. Au contraire, tu te dois de ne pas cesser de leur obéir. C'est pour cela qu'ici, il est important d'apporter donc une note à cette traduction. Car ce n'est pas le simple fait de ne pas se soulever contre eux. Car une personne, elle pourrait se dire, je ne me soulève pas, mais je n'obéis pas non plus. Non, tu te dois encore de lui obéir. Ne cessez pas de leur obéir. Le shir de continue en disant, parmi elles, le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui affirme avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque cesse d'obéir à ses dirigeants, rencontrera Allah le jour de la résurrection sans aucun argument. Et quiconque meurt sans être lié par un serment d'allégeance meurt comme on mourait avant l'islam. Donc à nouveau cette comparaison avec la situation des polythéistes d'avant l'islam. Et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez et obéissez quand bien même l'autorité serait confiée à un esclave abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec. Donc comme nous l'avons vu précédemment, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'était afin d'insister sur le fait que même dans la situation la plus critique, il t'incombe d'écouter et d'obéir. À la base, un esclave ne peut pas diriger les musulmans, car parmi les conditions qui doivent être réunis par le dirigeant, c'est qu'il soit libre. Naam. Mais même si cette situation venait à se présenter, par exemple si cet esclave parvenait à prendre le dessus sur le dirigeant en place et en s'installer ainsi au pouvoir, alors à ce moment-là, on lui serait redevable de l'obéissance. Et cela, justement, nous renvoie au fait d'insister sur la légitimité de l'obéissance, voire l'obligation de l'obéissance à celui qui a pris le pouvoir par la force. Et on avait vu ça précédemment, lorsqu'on avait lu ensemble et tenté de traduire la conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Al-I'lam bi kayfiyati tansib al-imam fi l'islam. Comment désigner un gouverneur en islam? Et on avait vu que parmi ces manières-là, il y avait le fait que le dirigeant ait pris le pouvoir par la force. À partir du moment où il a pris le pouvoir par la force, alors on lui est redevable de l'obéissance, à condition bien sûr qu'il soit musulman. Donc ici il a dit, quand bien même l'autorité serait confiée à un esclave abyssin dont la tête ressemble à un raisin sec. Le shir de terminer en disant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche duquel Allah azza wa jal ordonne aux musulmans d'obéir aux dirigeants et de ne pas se révolter contre eux, sont donc nombreuses. Allah a clairement indiqué cette obligation à divers endroits, nul besoin donc d'allonger le propos. Que celui qui a foi à Allah et au messager d'Allah craigne Allah et ne cesse pas d'obéir à ses dirigeants, que ce soit par la bouche ou par l'action. Naam. Que ce soit par la bouche ou par l'action. Car le fait de se rebeller contre le gouverneur, ce n'est pas le simple fait de prendre les armes. Dis-toi que le simple fait de mentionner ses défauts, naam, c'est considéré comme étant une révolte. Donc, il ne faut pas comprendre par l'interdiction de la révolte contre les gouverneurs musulmans que ça vise uniquement le fait de prendre les armes, non. Et parmi les Khawarij, il faut savoir que les pires d'entre eux, ce sont ceux justement qui incitent les autres à la rébellion, mais qui ne prennent pas part à cette rébellion-là. Et ils sont connus, donc, depuis l'époque des salafs, ceux qui incitent les autres à se rebeller, et qui leur montent la tête contre les dirigeants, mais qui, bien sûr, par la suite, ne participent pas. Et ces gens-là sont nombreux. Qu'Allah ne les augmente pas en nombre. Surtout à notre époque. Parmi des prédicateurs, naam, et également parmi les gens de la masse. Des gens qui se délectent du fait de parler de la situation des musulmans et de parler, de critiquer les gouverneurs et de propager leurs défauts et leurs mauvaises actions, bien souvent sans vérifier ces informations-là, et ainsi d'inciter les autres à se rebeller contre eux. Quant à eux, bien sûr, tu les trouves toujours chez eux. Naam. Ils incitent les autres, ils les envoient au charbon, comme on dit, mais eux, ils restent tranquilles dans leur petit confort. Donc le principe de révolte, il n'est pas limité au simple fait de prendre les armes. Le fait de critiquer les gouverneurs, le fait de propager leurs défauts, leurs mauvaises actions, c'est également une sorte de révolte. Et les conséquences de cette chose-là, de ces actes-là, sont même pires. Étant donné que le fait de critiquer les gouverneurs, eh bien c'est la cause de ce qui va suivre lorsque les gens vont commencer à prendre les armes. Et également c'est la cause des manifestations. D'ailleurs les manifestations c'est également une sorte de révolte. Et c'est une chose qui est prohibée par la religion de l'islam. Et également donc il y a par l'action. Par l'action donc les manifestations que nous venons de mentionner. Et également le fait de prendre les armes afin de renverser le gouverneur musulman. Le shir de continuer et de terminer en disant qu'ils se gardent de leur disputer le pouvoir par la parole ou les actes, et le succès vient d'Allah seul. On a pu donc voir ici la position du musulman lorsque le dirigeant ordonne une désobéissance. On peut résumer sa position en deux points. Premièrement, ne pas obéir dans cette désobéissance en question. Étant donné que, comme nous l'avons mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a d'obéissance que dans ce qui est convenable. » Et le deuxième point, c'est de ne pas cesser de lui obéir en dehors de cette désobéissance à laquelle il a incité, à laquelle il a appelé, voire qu'il a ordonné de faire. Et tout cela, donc, nous le tirons de l'exposé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette obligation-là et de l'importance d'observer ce principe d'obéissance au gouverneur et donc de ne pas cesser à leur obéir. Comme nous l'avons vu dans les quelques textes que nous venons de lire, que ce soit les textes tirés du Coran ou de la Sunna. Et nous avons lu précédemment que l'auteur a dit « Allah a clairement et amplement insisté sur ce fondement par différentes démonstrations dans les textes et à travers ses décrets. » Dans les textes, nous les avons mentionnés, et à travers ses décrets. Ces décrets, c'est ce que tu trouves dans l'histoire de la communauté, dans le passé jusqu'à nos jours. Lorsque les gens ont commencé justement à ne plus prendre en compte ce principe, tu te rends compte qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à tomber dans ce qui était répréhensible et qu'ils ont donc mis en péril l'union des musulmans qui constitue donc un des fondements de la religion. Et qui est le deuxième fondement que l'auteur a mentionné ici dans son livre. A l'inverse, lorsque les musulmans ont observé ce principe d'obéissance, tu vois qu'ils étaient dans une situation de puissance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nur, la traduction approximative de sa parole, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'il leur accorderait la succession sur terre comme il a accordé à ceux qui les ont précédés, qu'il établirait fermement leur religion, qu'il agréerait pour eux et qu'il changerait leur inquiétude en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et il a également dit dans Sourate Al-Hajj, en vérité Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable, et la fin de toute chose appartient à Allah. Donc lorsque la communauté musulmane reste fidèle à ces principes-là, tu trouves qu'elle est dans une situation de puissance. Et lorsqu'elle commence à faillir à ses devoirs, et que certains membres de cette communauté commencent à ne plus respecter ces principes-là, c'est à ce moment-là qu'elle se trouve dans des situations compliquées, comme c'est le cas donc de nos jours. Et c'est donc le sens de la parole de l'auteur et à travers ses décrets, c'est-à-dire à travers de ce que tu vois donc dans la vie de tous les jours et de ce que tu peux constater dans l'histoire de la communauté musulmane. Si on parle d'histoire, il est important dans ce contexte, concernant cette question, de faire mention de l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, l'imam des gens de la Sunna, qui, à son époque, a connu les troubles dus au Mu'tazila, qui prônait la croyance de la création du Coran. C'est-à-dire, il prétendait que le Coran est créé. Alors que, comme vous le savez, le Coran, c'est la parole d'Allah, incréée. Mais les Mu'tazila ont commencé donc à propager cette croyance erronée. Et ils ont commencé à obtenir le soutien de bon nombre de musulmans, y compris de certains émirs, qui avaient été trompés et floués par ces Mu'tazila. Et ça a été la source de beaucoup de dissensions et de beaucoup de troubles au sein de la communauté. Et les ulama de la sunna ont été opprimés à cause de cela. Et ils ont été même persécutés, menacés. À tel point que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a été torturé. Mais il a patienté et enduré face à cela. Donc retenez ça. C'est que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a été persécuté, il a été torturé à cause du fait qu'il continuait à affirmer que le Coran c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Pourquoi ? Parce qu'il savait que si jamais lui, il succombait à cela et qu'il répondait favorablement à ce que les Mu'tazila voulaient, alors ça risquait d'induire en erreur bon nombre de musulmans. Donc il a enduré et il a pris sur lui. Certains des ulama ne sont pas des gens du commun des musulmans. Certains ulama de la ville de Bagdad sont venus voir l'imam Ahmed. Et ils sont venus le voir et ils lui ont dit « Ya Aba Abdillah ». Il a dit « Regarde où en est arrivée la situation. Ça ne peut plus durer comme ça. » L'imam Ahmed, il a compris ce qu'il voulait. Ils insinuaient qu'il était temps de se révolter et de se soulever contre le gouverneur, afin de le changer. L'imam Ahmed, alors que c'était lui qui avait subi ces tortures-là, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui avait compris où il voulait en venir, il les a blâmés, et il les a dissuadés de faire cette chose-là. Et il leur a dit, ne soyez pas la cause de l'effusion de votre sang et de l'effusion du sang des musulmans. Il a dit, il vous incombe plutôt d'endurer jusqu'à ce que celui qui est pieux puisse se reposer de tous ces troubles-là et que celui qui est pervers et désobéissant puisse cesser donc son mal et ses préjudices. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, alors que c'était lui en premier lieu qui avait subi ces tortures-là, eh bien, c'est lui également qui incitait son prochain à faire preuve d'endurance et à ne pas cesser d'obéir au gouverneur. Alors que si tu regardes bien, ce n'était pas une simple désobéissance à laquelle il incitait. C'était carrément une parole de mécréance. Mais l'imam Ahmed, rahimahullah, il leur trouvait l'excuse de l'ignorance. Et du fait qu'ils étaient tombés dans cela à cause d'une interprétation. Donc ce n'était pas une simple désobéissance. C'était carrément une parole de mécréance à laquelle ils appelaient et à laquelle appelait le dirigeant en place à l'époque. Malgré tout, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a incité à patienter et à endurer. Et donc ça c'est un exemple auquel il faut se référer, surtout à notre époque. Surtout à notre époque. Ça nous arrive à un dernier point. Combien il reste de temps ? Hein ? 8 minutes. Taïb, on fait ce point, on le termine, et on repousse un peu la veine, Inch'Allah. Peut-être de 5 minutes. Comme ça, on termine ça, Inch'Allah. Ça nous amène à un dernier point. Ce point-là, ça concerne les conditions qui doivent être réunies afin de sortir contre le gouverneur. Les conditions qui doivent être réunies afin de sortir contre le gouverneur. Ces conditions-là, nous les trouvons dans les textes, ou une partie de ces conditions-là, nous les trouvons dans les textes que nous avons lus. Notamment dans le hadith rapporté par Ubada ibn Samit radiallahu anhu, qui est rapporté donc par l'imam al-Bukhari ainsi que par l'imam Muslim dans leur recueil authentique respectif. On y trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt que Ubada a dit, nous avons prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir, dans ce qui nous plaît comme dans ce qui nous répugne, dans l'adversité comme dans l'aisance, malgré leurs privilèges, même si cela est en notre défaveur, et de ne pas leur disputer le pouvoir, sauf si l'on constate chez eux une incroyance flagrante. Donc, la première des conditions, c'est le fait de voir. Le fait de voir. Que ce soit quelque chose de visible. Ça, c'est la première des conditions. Parce qu'ici, donc, on a dit constater. Ce qui signifie, donc, dans le terme arabe, donc constater, c'est pas faux, mais ça signifie avant tout de voir. Donc, le fait que cette chose-là, elle soit visible. Deuxième condition, qui est également comprise dans ce hadith, qu'elle soit flagrante. Qu'elle soit flagrante dans le sens qu'elle est répandue. Et comme l'explique le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, par exemple, à titre d'exemple, tel gouverneur, il interdit de prier. Tel gouverneur, il interdit de s'acquitter de l'aumône obligatoire. Donc c'est quelque chose de flagrant qui est répandu. C'est pas quelque chose de caché. Dans le sens où certaines personnes rapportent cela. Non. Et au final, ce ne sont que des rumeurs. Non, c'est quelque chose de flagrant, répandu. Il n'y a aucun doute sur cela. Troisième condition, le fait de bénéficier d'un argument clair venant d'Allah. Comme nous le trouvons également dans ce hadith, dont nous détenons d'une preuve, dont nous détenons une preuve venant d'Allah. Une preuve claire. C'est quoi une preuve claire venant d'Allah? Eh bien, c'est une preuve tirée du Coran ou de la Sunna. Tirée du Coran ou de la Sunna. Donc, ça nous fait trois conditions. Cette troisième condition, elle nous amène à attirer l'attention vers un point très important. C'est qu'à partir du moment que nous disons que cette mécréance doit être flagrante, dans le sens qu'elle doit être répandue, et que nous disons que nous devons bénéficier d'un argument clair venant d'Allah, c'est-à-dire tiré de son livre, de la sunna, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la sunna authentique bien sûr, alors cela nous renvoie vers la nécessité de revenir au ulama. La nécessité de revenir au ulama dans deux choses. Premièrement, pour statuer de la mécréance en question. Puisque ce sont eux qui sont aptes à mettre en application ces textes du Coran et de la Sunna et de dire que ces textes-là, ils s'appliquent dans telle situation. Donc, revenir à eux, la nécessité de revenir à eux dans cette situation-là, pour statuer de la mécréance du dirigeant en question. Ça, c'est un point. Mais tu as également ce second point qui suit. Tu dois également revenir à eux pour connaître la légitimité du fait de se soulever contre ce dirigeant. Et pourquoi ce second point il est important, qu'il est impératif de le mentionner, d'insister dessus? C'est du fait que parfois, tu trouves que certains ulama, il statue de la mécréance de tel ou tel dirigeant. Ça ne signifie pas pour autant qu'il est légitime de se révolter contre lui, de se soulever contre lui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres conditions à prendre en considération, et ce sont les deux conditions qui vont suivre, Inch'Allah ta'ala. Donc, après avoir mentionné cette troisième condition, on insiste bien sur la nécessité de revenir à la main, pour statuer de la mécréance du dirigeant en question d'une part, et d'autre part, pour connaître la légitimité du fait de sortir contre lui. La quatrième condition, c'est le fait d'en avoir la capacité. Le fait d'avoir la capacité de sortir contre le dirigeant en question. Et la cinquième, c'est le fait qu'un mal plus grand ne soit pas craint au cas où le peuple déciderait donc de sortir contre le dirigeant en question. Et ces deux dernières conditions, elles font l'objet d'unanimité chez les ulama de la sunna. C'est un ijma'. Et comme vous le savez, l'unanimité, le consensus, ça fait partie des preuves religieuses qui sont prises en compte dans la religion. Donc il est important de mémoriser, de bien comprendre et d'assimiler ces cinq conditions. Ces cinq conditions. Surtout à une époque qui a bien été décrite par l'auteur lorsqu'il a dit « Puis beaucoup de ceux qui prétendent détenir le savoir oublièrent ce fondement. Comment donc pourraient-ils le mettre en pratique ?» Ça, c'était à son époque. Qu'en est-il à notre époque ? Où beaucoup de gens qui se réclament de la science et beaucoup de gens qui se réclament de la prédication et de l'appel à l'islam ne sont pas au point concernant ce fondement de la religion, à savoir l'obligation de l'obéissance aux dirigeants musulmans et l'interdiction de se rebeller contre lui, de se soulever et de se soulever contre lui. Et tu trouveras donc à notre époque beaucoup de gens qui ne sont pas au point à ce niveau-là et qui appellent donc à se rebeller. Ils appellent aux manifestations, ils appellent au fait de porter les armes contre les dirigeants musulmans. Et ce que nous voyons donc dans la réalité du quotidien nous montre clairement cette chose-là. Et nous avons pu voir donc à travers cet exposé que tout cela est en contradiction avec les principes du Coran et de la Sunna selon la compréhension des peu prédécesseurs de cette communauté. Et il est donc impératif de bien étudier, de bien comprendre ce point-là, de bien l'assimiler et également de faire attention à toutes les tendances que nous pouvons trouver actuellement sur la scène internationale et également sur la scène francophone, de nombreuses personnes qui appellent de près ou de loin à ce genre de principe que nous venons de dénoncer à la lumière des textes du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.